Je suis un petit peu embêtée parce que je savais pas que c'était le thème d'aujourd'hui. Le bobo, moi, dans mon mail, j'avais lu le mot gentrification. Donc, je vais faire comme si de rien n'était et je vais faire comme si votre thème du jour était la gentrification. Donc, Madame Laure, bonjour, Monsieur Thomas aussi. Donc, vous venez effectivement, comme vous l'avez lourdement marqué, nous parler de gentrification. Phénomène que... Non, mais c'est lié. Vous alliez en parler. Que nous connaissons peu et que vous allez nous expliquer, c'est très gentil de votre part. Alors, ce mot gentrification apparaît donc pour la première fois dans les années 60 et il est issu du mot anglais gentry, qui signifie la petite noblesse, c'est-à-dire les gens qui sont tri-tri bourgeois. Alors, ce phénomène de gentrification en fait désigne le processus par lequel cette population plutôt aisée va en fait s'accaparer, s'approprier un espace occupé par des gens qui avant étaient au contraire moins favorisés, plus pauvres et jusqu'à conduire finalement à leur exclusion. Alors, la gentrification, il y a deux types. Il y a la gentrification massive, hein, c'est lorsqu'on pousse les pauvres hors de chez eux, notamment le cas dont j'avais déjà cité, le cas à Marseille, hein, de la rue de la République. Donc qu'est-ce qu'on fait? On expulse les pauvres, on réhabilite le quartier, on les invite à revenir moyennant un loyer qui a c'est trop cher. Voilà. Et puis ensuite il y a la gentrification douce, donc celle pratiquée par les bobos dont vous parliez, où les pauvres ne sont pas poussés dehors mais où ils fuient justement pour échapper aux bobos, bobos qui en fait a tendance à, comment dire, à faire aux pauvres ce que le touriste Club Med fait aux Touaregs, à savoir vouloir le rencontrer mais en lui nuisant. Pourquoi? Parce que fait le touriste? Bien sûr, il veut rencontrer les Touaregs authentiques, hyper typiques. Alors ça, c'est la phrase préférée du bobo, c'est hyper typique. Il trouve un coin sauvage avec des Touaregs et il envahit ce coin. Puis une fois que ce coin est envahi par d'autres touristes, qu'il a donc perdu sa qualité de super typique, il en change. Et le bobo fait pareil, il ne veut rencontrer que des pauvres authentiques. Je le sais, je suis bobo. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi cette envie pour moi de rencontrer du pauvre authentique, ben c'est comme vous l'avez expliqué, c'est que comme j'ai quand même pas mal d'argent et que je vote à gauche, forcément à un moment donné, j'ai un problème de conscience vis-à-vis de la société. Il faut que je prouve, que je témoigne de ma capacité à entrer en contact, à me mêler aux pauvres. Donc, parce que si jamais tu le fais pas, après c'est vrai que les gens vont dire oh là là, toi t'es la gauche caviar, et ça c'est la chouma quand t'es bobo. Donc, comment ça se passe très concrètement? Eh ben, ça part de rien, c'est-à-dire vous avez une copine bobo qui vous envie dans un boui-boui. Oui, parce que chez les bobos, on adore les doubles syllabes, on en est baba, c'est super chouette. Et elle m'emmène dans un truc de fondue chinoise. Alors moi, je rentre là-bas et qu'est-ce que je vois? Que des Chinois. Je suis ravie, il n'y a que des Chinois, c'est hyper typique. Donc, c'est pas cher, c'est chinois, c'est bon, c'est hyper typique. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, pour prouver aux autres bobos, pour rester dans la communauté, que bien sûr, je suis à l'aise avec les pauvres, j'invite mes autres copines bobos et je leur dis, tu verras, c'est hyper typique. Du coup, le problème dans le resto chinois se met à pulluler des bobos. Le patron du restaurant, qui est chinois certes, mais pas bête, fait passer la fondue chinoise de 12 à 18 euros. Et les Chinois d'origine, eux, qui étaient là, partent vers d'autres contrées. Bien sûr, là, on pourrait se dire, le bobo, il est content, il a eu son jouet. Non, parce que du coup, comme il n'y a plus de Chinois et qu'il n'y a que des bobos, il dit, oh, mais ça a vachement changé. Avant, c'était hyper typique. Mais par contre, tu sais, je connais un Libanais qui est super sympa. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Après le Libanais, il passe du Turc au PMU à la cafétéria Flunch. Et du coup, les pauvres, pour contenir cette invasion des bobos, ils sont obligés de faire quoi? Eh ben, de rendre leur dernier quartier repoussant. Alors tout le monde se demande pourquoi. Mais pourquoi? C'est quoi ces tours en béton et toute cette délinquance est affreux? Mais parce que s'ils ne font pas ça, ils sont envahis par les bobos qui vont persister encore à poursuivre cette invasion. Après, il y aura quoi? Eh ben, il y aura des gens qui vont aller dans les quartiers hypersensibles en disant oh, c'est hypersensible, mais tu verras, c'est hyper typique. T'as lu Shakespeare, tu connais Shakespeare? Ouais, tu sais, c'est la guerre des gangs, Capulet, Montaigu. Eh ben, ici, c'est exactement pareil, c'est une guerre des gangs. Mais en fait, au lieu que l'héroïne, ça soit Juliette, l'héroïne, c'est vraiment de l'héroïne. Tu vois, c'est de la coque, c'est du shit. Et au lieu de traquer en faisant Mazel Tov, ils se tirent dessus avec des kalachnikov. Et après, ils font comme à la fin une genre de méchoui, mais au lieu que ça soit un mouton, c'est un cadavre dans une bagnole qui brûle. Enfin, tu verras, c'est hyper typique. Et voilà comment, du coup, les riches ont la peau des pauvres. Alors bon, à la décharge, on va dire quand même, les riches aussi se sont fait piquer plein de trucs par les pauvres. Je veux dire, maintenant, on ne peut plus mettre un jogging Lacoste et rouler en Merco sans passer pour un pauvre. Donc oui, c'est vrai que nous, on les a volés, mais c'est quand même les pauvres qui ont commencé. Micro ouvert. Allez, go, c'est parti. On se retrouve alors à Forêt, Et j'ai ici trois dames, une à côté de moi. On peut connaître votre prénom ou vous préférez pas ? Oui, je m'appelle Françoise, il n'y a pas de souci. Voilà. Et j'habite ici depuis 40 ans et je suis en comité de quartier depuis 35 ans. Okay. Donc on est à Forêt ici, hein, place Saint-Denis. Au cœur de Forêt, voilà. Pas dans le bas de Forêt. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Au cœur de Forêt, pas dans le bas. C'est quoi la différence, en gros, qu'on comprenne pour... Le bas, c'est un côté un peu cul, quand même, non ? Un peu cul ? Comme le bas du dos. Eh ben non, on est au cœur de Forêt. D'accord. C'est là où bat le cœur. D'accord. C'est ici. Et alors, venez comme ça, et puis on marche vers la, oui. Vers l'abbaye. Oui. Et vous voulez bien donner votre prénom ou pas ? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Florence. Je représente les bénévoles Chabéi, donc qui s'occupent d'un village, ce qu'on appelle le village des chats. Qu'est-ce que c'est le village alors, des chats ? Le village des chats, c'est une installation avec des petites cabanes pour que les chats puissent dormir et se nourrir tranquille dans un petit enclos et qui va être justement supprimé pour l'instant à cause du projet de rénovation de l'abbaye. Okay. Donc, voilà. Ça se passe dans l'abbaye, ça. Voilà, et vous alors ? Moi, je m'appelle Ilaria Simonetta, je suis riveraine du parc et je m'intéresse surtout à la question des arbres parce que c'est essentiel pour la respiration du quartier. Ces arbres qu'on veut abattre, c'est l'oxygène de tout le quartier. Il n'y a pas d'autre espace vert dans ce secteur qui est très densément habité, où la plupart des gens et des familles vivent en appartement. Et ils ont vraiment besoin de ces arbres et c'est un crime de vouloir les supprimer, même si on en remplace. De toute façon, le temps que ça pousse, ça ne compense absolument pas ce qu'on perd parce que... Vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet, vous, hein, mais... ok. Parce que là, moi, je faisais connaissance, donc il y a Françoise... Florence et... Ilaria. Et donc, on va vers l'abbaye... Et alors, voilà, c'est le troisième micro ouvert qu'on fait, avec des choses comme ça qui se passent. On va abattre, moi, ce que j'ai compris, qui est énorme, on va abattre combien d'arbres dans l'abbaye ? 169. Dont 6 arbres remarquables qui ont plus de 150 ans et qui sont des spécimens répertoriés en région bruxelloise. Mais c'est énorme, quoi ! Colossal. Et c'est quoi l'argument en fait ? C'est quoi l'argument ? Il faut dégager des axes esthétiques. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Faire de la place. Il faut dégager des axes esthétiques. C'est drôle comme. Les projets passés par les monuments et sites. Les monuments et sites mettent un cahier des charges. Soi-disant, il faut recréer des perspectives qui avaient été dessinées, imaginées. Par l'architecte de Wyss au XVIIIe siècle. À l'époque, autour de l'abbaye, c'était la campagne. Maintenant, c'est l'usine Audi. C'est ? L'usine Audi. L'usine Audi, ouais. Voilà. Mais on veut dégager la vue sur l'usine Audi pour faire des belles perspectives qui amènent à ces jolis paysages. C'est qui le « on veut » ? Au niveau des monuments et sites. C'est apparemment, d'après ce que j'ai pu extraire de mes débats avec les élus locaux, c'est les monuments et sites qui demandent qu'on réaménage tout le jardin selon ces perspectives qui avaient été dessinées il y a 3 siècles et qui ne correspondent plus du tout à la réalité actuelle, aux besoins du quartier, à la manière dont les gens vivent ces parcs. Et au fait que maintenant, sur le chemin qu'ils veulent déblayer, il y a des arbres centenaires magnifiques qui nous apportent beaucoup. Et ils veulent les couper tout simplement pour une raison purement esthétique. Ce n'est pas une raison sanitaire, les arbres sont sains. Ce n'est pas du tout un besoin, même pas pour faire des travaux de restauration. C'est juste pour faire joli au point de vue des monuments et sites. On va essayer de bien comprendre la situation. Mais vous, moi ce que je trouve toujours génial, voilà, les micros ouverts aussi, c'est ça. Vous vous connaissez toutes les trois ? Je ne connaissais pas madame. On se connaît. Ilaria et moi, on se connaît. On a déjà beaucoup travaillé ensemble. Et d'ailleurs, tu verras dans l'abbaye, il y a des masques sur les arbres. Ce que moi, j'appelle des masques de désolation sur une série d'arbres. C'est Ilaria qui les a faits et construits pour la circonstance. Et ils sont très parlants. Et quoi, et du coup, vous vous êtes vous mobilisez ensemble Moi, j'ai rencontré brièvement Françoise il y a 2 semaines, lors de la visite du 20. Et on a juste discuté rapidement. Et voilà, après, ça s'est fait par mail suite à la vidéo de ma collègue Pascale Romboutz, qui malheureusement devait venir aujourd'hui, mais ne peut pas. Et donc, non, on ne se connaissait pas avant le 20 mars du tout. Et voilà. On va vers l'abbaye alors, ouais, du coup. Exactement. Et quoi, vous êtes un grand groupe? Comment ça se passe, votre mobilisation? Actuellement, je pense qu'on peut compter 400 personnes qui sont mobilisées maintenant, en sachant qu'on est dans un quartier perdu, le long d'un zoning, tout à fait en frange de Bruxelles, et que donc c'est un quartier qui n'intéresse à peu près personne. Je te distrai un quart de seconde parce que l'hôtel des chats, il est là. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, en fait, déjà, pour rentrer dans le vif du sujet, les arbres que vous voyez ici vont être abattus. Oui. Le parking va être supprimé. Et si je ne me trompe pas, les maisons qui sont là, juste à côté, aussi vont être détruites. On y reviendra peut-être voilà. après. Parce voilà. Que mais donc, nous, ce petit village des chats, il a été installé il y a 5 ans. Et il nous sert donc à nourrir des chats errants. Les chats errants, quand ils sont nourris, ils ne tuent pas les oiseaux. Donc le fait de les nourrir, de s'en occuper, de les stériliser, de les soigner, ça évite la prolifération et donc ça évite des nuisances aussi sur la faune de l'endroit où ils sont installés. Et les chats sont des animaux territoriaux. Donc ça veut dire que si on supprime ce petit enclos, ils n'ont nulle part où aller parce qu'il va y avoir des travaux partout. Ce sont des chats qui ne sont pas adoptables, donc ce sont des chats qui vont se retrouver complètement démunis, sans rien. On ne pourra plus venir les nourrir, sauf si on nous trouve un petit coin. Mais voilà, ce n'est pas évident qu'on puisse faire ça. J'adore, c'est marrant comment vous prenez en charge les chats errants, quoi. Mais je sais qu'il y a dans Bruxelles, c'est un problème, les chats, non ? Ça, ici, 7, 8, tu vois, tout ça, ce sont des hôtels pour chats. Ah oui, de loin, on ne voyait pas autant... Ouais. Des hôtels pour chats, quoi. Incroyable, ça. Ouais. Dans le petit coin là-bas. Ben ouais. Donc voilà, donc, tout ça c'est géré par des bénévoles. Tout ça c'est géré par des bénévoles. Au nom de la commune, on remplit une mission de service public puisque c'est une obligation légale des communes de gérer la population des chats errants. Et donc nous, on les nourrit. Quand il y a des nouveaux venus, on vérifie s'ils sont stérilisés, pucés, etc. Et s'ils sont pas stérilisés, on les fait stériliser sur le budget communal. Et voilà. Mais donc on remplit une mission de service public. On n'est pas une association. On est juste un groupe de bénévoles qui bien organisé. Bien structuré. On n'a pas que ce point de nourrissage-là, d'ailleurs, sur Forêt. On en gère 3 autres, nous, Chabéi, et il y en a beaucoup d'autres gérés par d'autres groupes de bénévoles. Donc ici, celui-ci, c'est vraiment le projet d'origine, le premier village des chats qui a été créé il y a 5 ans et qui va logiquement, a priori, disparaître si le projet Abbaye se fait tel qu'il est décrit pour l'instant. C'est incroyable parce que l'espace, on va rentrer, mais c'est quand même énorme ici. Il y a moyen de faire un... Bon, déjà de le détruire, je ne comprends pas très bien pourquoi, mais il y a moyen de le faire ailleurs aussi, ce village des chats. Ben oui, pour le bien sûr. Je veux dire un peu plus loin, ou je ne sais pas oui, où, mais c'est... J'imagine que c'est possible, mais il faut déjà trouver l'endroit, et puis on ne déplace pas des animaux comme on déplace les petites maisons. Et il faut que ça soit fait progressivement, il faut progressivement les emmener sur le nouveau terrain, à condition qu'ils veulent bien y aller. Je vous donne un exemple tout simple. Ce petit abri, cet abri tout neuf, on l'a installé la semaine dernière parce que l'autre tombe en ruine et a besoin d'être rénové, celui pour le nourrissage. Bah, pour le moment, il y en a certains chats qui refusent d'entrer dedans. Pourquoi ? Qui préfèrent l'ancien parce qu'ils sont habitués à l'ancien. Donc les chats sont des animaux d'habitude, de territoire. Ils n'aiment pas être bousculés dans leurs habitudes. Donc si on leur détruit du jour au lendemain leur lieu de vie, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, c'est sûr, mais je trouve que pour rentrer dans le cœur du sujet, pour comprendre l'enjeu, c'est un drôle d'exemple, l'histoire des chats, parce que bon, on est... C'est parce qu'on est passé par ici. Attendez. Les chats, bon, ok, les chats, vous savez, ils, si on leur met à manger à un endroit, à un moment donné, ils referont bien leur plan qu'à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chats sont assez exemplatifs de ce qui se passe dans le quartier. Oui. Tu es dans un quartier archi-pauvre, défavorisé à de multiples égards. Je vais te montrer ça tout de suite. Oui, mais c'est pour ça que les chats, voyez. Pour les gens. Les gens vont être mis à la même sauce que les chats, voilà. À savoir que pendant 10 ans, nous n'aurons plus d'abbaye à force de travaux. Alors ils vont vous dire, non, non, les travaux vont durer 4 ans. Ben, on nous a dit ça pour la maison communale aussi, il y a 5 ans, et elle est toujours en travaux maintenant. On nous avait dit que ça durerait 2 ans, mon œil. L'abbaye, 4 ans, mon œil. Ce sera beaucoup plus long. Or, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est notre seul espace vert ici. Donc, les gens on réalise pas privés ça, hein. Du seul espace vert qu'ils ont. C'est le seul où on peut aller sans avoir un véhicule. Oui, mais c'est un endroit donc, voilà. Très dense aussi. Hein. Mais quoi, c'est le seul endroit vert ici dans le cœur de forêt. Dans le cœur de forêt, oui. Oui. Si tu montes à 1 km, tu as le parc du Den. Si tu vas vers le Bempt, mais ça ressemble plus à une vaste et morne plaine. C'est pas un espace vert comme ici. Il n'y a pas d'arbres, très peu d'arbres. Donc notre seul espace vert et de calme, c'est ici. On vient d'aller dans ta... tu viens de prendre des choses dans ta voiture, là. Et du coup, c'est une belle farde, là. Quoi, c'est tout le... Non, toi, le dossier... Tout le dossier ? Le dossier fait 2000 pages. Le dossier fait 2000 pages. 2000 pages, et je suppose que les habitants devraient tout lire. Quand ? Où ? Impossible. C'est aussi ce qu'on demande en commission de concertation, que ceux qui réagissent, réagissent de façon appropriée, c'est-à-dire en se farcissant tous ces écrits qui sont souvent dans un langage tout à fait abscon. Donc, très réellement, quand on parle de participation citoyenne, on se permet doucement de rire. Alors, je te montre vite quelques caractéristiques du quartier. Redis ce que tu viens de dire. Redis. Quand on parle de concertation citoyenne, ça vous fait rire. C'est... à l'heure, c'est du vent. Mais pourquoi tu dis ça ? Des réunions et des réunions qui n'ont mené à rien. Hein. Toutes les réunions qu'on a eues pendant 4 ans, des réunions des comités de quartier, tout ce qu'on avait parlé à ce moment-là était juste mis de côté et on a fait autre chose sans nous prévenir, sans nous consulter. Donc voilà, on se demande pourquoi on s'est mobilisé des soirées pour discuter de qu'est-ce qu'on allait faire à l'abbaye si ça ne compte pour rien. Ouais, si votre avis n'est pas pris en compte, quoi. Tout ça, c'est du pipeau, quoi, pour finir. C'est ça que vous êtes occupé à... Mais les plans qui nous ont été présentés à l'époque ne correspondent en rien avec les plans qui vont être mis en œuvre. Absolument. Parce qu'à l'époque, on aurait pu réagir. Mais on nous a présenté autre chose. D'autres bâtiments, à d'autres endroits, et absolument personne n'a parlé de toucher à un arbre. C'est vrai, et par exemple aussi, les questions essentielles n'ont jamais été posées. On ne nous a jamais demandé si on était d'accord d'abattre 169 arbres, comme le dit Hilaria. On ne nous a jamais demandé si on voulait une salle de spectacle ici. Une grande salle de spectacle, pas un petit kiki, ça va aller jusqu'au boulevard. Oui, ici, il faut préciser qu'ici, il y a de l'herbe, il y a des arbres, donc c'est ça. Et ça nous sépare d'un point très important de bruit et de pollution qui se trouve juste là derrière. Donc on va se trouver ici avec une salle de spectacle dont je te montrerai les photos tout à l'heure. On ne nous a jamais demandé si on était d'accord d'avoir 3 oreca dans l'abbaye. On ne nous a jamais demandé si on était d'accord que ceci devienne la place to be de tous les Bruxellois. Ah ah. C'est écrit dans le projet Abbaye. Donc c'est extrêmement choquant pour les habitants du quartier qui sont en réalité dans le déni le plus complet. On a l'impression que toute cette affaire de participation, c'est du cosmétique. On nous a interrogés, on nous a posé des questions. J'ai les rapports de toute cette partie de participation ici. On a été envoyés à la gare, sauf peut-être pour un point, la question de l'eau. Parce que tu es en plus dans un quartier qui est soumis aux inondations. Sur cette question-là, il y a quelque chose de concret et de réel qui a été mis en place, pour autant qu'on arrive au bout des travaux, parce qu'ils n'ont pas encore l'argent pour pouvoir faire face à ces travaux. Donc même ça pose problème. Tu sais, on parlait du quartier. Je voudrais quand même doucettement insister. On est dans le croissant pauvre de Bruxelles. On est même dans la queue du croissant pauvre de Bruxelles. On constate quand même, et ce n'est pas mon constat, que beaucoup de lieux du croissant pauvre sont actuellement en proie à une gentrification accélérée, c'est-à-dire à l'arrivée de charmantes personnes peut-être, mais qui chassent les habitants du lieu et qui viennent parce qu'en principe les maisons sont moins chères. Ici, en gros, on est dans des écoles ghetto, voilà. Tous les bleus ciels, là, ce sont des écoles ghetto. Ici, on est dans le domaine santé. dans un quartier avec une mortalité plus précoce que dans tout le reste de Bruxelles. Et puis après ça, on nous parlera d'environnement, la main sur le cœur. Excuse-moi, je suis fâchée. Hein. On est dans des logements qui sont en comparaison plus coûteux que dans le reste de Bruxelles, pour une très bonne raison. C'est que tu as une bonne proportion de personnes qui ne sont pas légales ici et qui sont prêtes à payer n'importe quoi pour pouvoir poser leur valise quelque part. C'est ça le quartier où on est. J'ai pas compris quand tu dis ça, des personnes pas légales, ça veut dire, c'est ça ? Des personnes sans papier, des personnes temporaires, des personnes qui sont ici en attendant autre chose, etc. Mais quoi, tu dis qu'elles sont prêtes à payer plus cher que la moyenne de Bruxelles, d'une part par ignorance, et d'autre part parce que il faut qu'elles atterrissent quelque part. C'est pas dans les bons quartiers qu'on va les accueillir. Hein. C'est pas dans les beaux quartiers qu'on va leur dire « Venez, entrez, voyons, vous vous signez un contrat ». Mais non, bien sûr. Avec comme conséquence également que la plupart des logements, beaucoup de logements, sont en surpopulation. Et sont dans un état déplorable. Y compris, et je peux te montrer des photos de logements qui appartiennent à la commune de Forêt, où tu ne vois plus 10 cm carrés d'un mur tellement il est couvert de moisissures et de champignons. C'est ça le quartier où on est. Il y a un taux de chômage qui est bien entendu carabiné, forcément, et on a un taux d'équipement collectif dans le quartier tout à fait impressionnant, c'est-à-dire des équipements polluants qui sont ici pour le bien de la ville, mais nous supportons, nous portons la pollution. Il faut préciser, parce qu'on ne connaît pas, donc des équipements polluants, ça veut dire donc, par exemple, nous avons là la pénétrante qui va directement vers la gare du Midi. C'est quoi, c'est la pénétrante? C'est le boulevard de la 2e armée britannique. C'est quasi une autoroute urbaine, tu vois. Okay. Et si tu attends 13 heures, tu seras tout à fait surprise de voir tout ce qui s'y trouve. On a le ring qui est là-bas à 200 mètres. Tu as l'usine Audi qui est là-bas, mais qui est aussi là-bas et qui est aussi là-bas. Tu as 3 déchetteries. Tu as une turbine gaz-vapeur pour la production d'électricité. Tu as le TGV. Tu as Forêt nationale qui se trouve ici 300 mètres au-dessus. Okay, c'est ça qu'on appelle les équipements collectifs. Des équipements polluants. Pour la ville. Et qui, d'une façon ou d'une autre, que ce soit au point de vue air, au point de vue bruit, au point de vue eau, sont réellement polluants pour les gens. Et c'est d'ailleurs pas spécialement moi qui l'affirme, puisque j'ai été pêcher les documents de la région bruxelloise. Voilà, le point vert de tout ce coin, il est là. C'est le vert foncé. Et c'est de lui que nous allons être privés. Ouais, on le voit très clairement sur la feuille, hein, que c'est voilà, un point vert. À Forêt, ici, voilà, c'est les 3 petits points bleus. Ouais. C'est ici, c'est là où nous sommes. Tout le reste est déjà en zone orange, c'est-à-dire des zones qui, au point de vue fraîcheur de l'air d'ici quelques années, vont devenir insupportables. Ça, c'est la question du bruit. Nous sommes... Nous sommes ici le long. Nous sommes vraiment à la limite de la zone très bruyante qui se trouve là et qui est constituée d'urine et de différentes pénétrantes vers l'intérieur. Et parlons donc de la pollution. Voilà, ça c'est le boulevard qui entre dans Bruxelles, il est là. Tu vois qu'il est déjà en rouge. L'abbaye est ici, on est vraiment le long. Donc je dis que ce quartier est défavorisé sur toute la ligne. Et si je devais en plus te faire la carte des chantiers... Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis c'est un quartier défavorisé? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Tu veux dire que c'est important un espace vert où on laisse les gens un peu vivre en paix dans ces espaces? Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Quand quelqu'un n'a déjà plus qu'un quart de poumon, on ne le lui prend pas pour le donner au chien. Oui, et puis aussi, peut-être, quand tu dis que c'est un quartier pauvre, c'est dire que les gens n'ont pas forcément de jardin, avec de grands espaces, etc. Il n'y a pas. Et on a reçu des lettres à l'occasion de la commission de concertation qui étaient absolument désolantes, de personnes qui disaient « Mais c'est le seul lieu où nous pouvons aller prendre l'air. Et vous allez vraiment le supprimer ?» Mais non. Et tout ça, pourquoi aussi? Pourquoi? Pour nous mettre une salle de spectacle de plus, alors qu'on en a déjà une un peu plus haut, et pour nous mettre un bâtiment, dont je te montrerai les images tout à l'heure, qui ne sert strictement à rien et qui va un peu nécessiter l'abattage d'un nombre d'arbres épouvantable. Maintenant, peut-être qu'ils ne le feront pas, hein, mais on n'en sait rien. Et ils ne veulent pas nous intégrer la suite du processus en nous permettant de dire ça, ça va et ça, ça ne va pas. Mais pourquoi vous dites peut-être ils ne le feront pas, mais quoi, enfin, s'il y a des gens comme vous qui se mobilisent et qui n'ont pas envie de que ça se passe pour plein de raisons, parce qu'il y a un dossier balèze ici dans les mains, vous avez expliqué qu'au début, Ça, c'est du pipeau un peu, la concertation, le comité, la concertation sociale. Oui. C'est du pipeau, quoi. Donc, quoi ? Cosmétique, parce qu'après, effectivement, ils font passer un projet qui ne ressemblait en rien à celui qu'on nous avait présenté pendant les différentes réunions du comité de quartier, qui ont duré quand même 4 ans. Hein. C'est pas qu'on s'est mobilisé qu'une soirée. Et à la fin de toutes les discussions, on nous a offert un petit verre en disant, voilà, on va faire ceci, ceci, cela, un joli programme. Ils l'ont complètement changé. Et c'est, dans leur programme, il n'y avait pas d'abattage d'arbres, il n'y avait pas de modification radicale de l'architecture du jardin. La soi-disant salle de spectacle, elle venait tout à fait au fond, et donc elle ne devait pas vraiment impacter lourdement les jardins. Maintenant, là au fond, ils veulent faire une espèce de scénographie, un bâtiment énorme, mais dont on ne connaît pas du tout l'utilisabilité. C'est un truc à métal. Si je comprends bien, ça veut dire qu'ils ont changé en fait leur plan, c'est ça ? Mais comment ça se fait ça ? Comment vous expliquez ça ? Mais je ne me l'explique pas justement. Je peux l'expliquer. Parce qu'ils disent à la commune, donc les responsables disent que nous ne sommes pas les seuls à demander des choses. Il y en a d'autres qui ont demandé autre chose. Et voilà, on ne peut pas tout avoir, vous comprenez ? Alors quand je dis vous comprenez, ça veut dire que ce n'est pas compréhensible. Bien sûr. Oui, c'est ça. On emploie ça tellement comme phrase. Vous comprenez ? Ça veut dire maintenant ferme ta gueule, tu veux ? C'est ça que ça veut dire. Mais ça paraît complètement absurde, enfin, ce que vous racontez, parce que on donne d'une main, voilà, ça va se passer comme ça. Il y a une concertation. Attends, il y a une concertation sociale. Oui. Vous venez, ça dure 4 ans, oui. Et puis au bout du bout, on change toute la donne. Oui, oui. Et on vous dit, bah, c'est normal, il n'y a pas que vous qui décidez. C'est complètement dingue comme... C'est dingue, mais il y a eu entre-temps un changement de financement. Et je pense que ça, c'est la raison principale de leur changement de plan. Il y a des feuilles qui sont tombées, là, du projet. Parce que tant qu'ils avaient un financement plus limité, effectivement, leur salle de spectacle était plus petite, forcément. Les interventions étaient moins énormes. Il n'y avait pas de bâtiments inutiles et on préservait au maximum l'existant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait qu'il y a plus d'argent ? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu plus d'argent et ils se sont frottés les mains en disant « maintenant, il faut le dépenser ». Mais c'est qui a eu plus d'argent ? Toujours les mêmes, du coup ? Françoise. Initialement, c'est simplement un contrat de quartier qui vise à rénover l'abbaye et à y installer l'académie et une série d'activités culturelles de forêt. Et avec ça, les habitants étaient tout à fait d'accord et même assez enthousiastes. Le problème est que par la suite, ils ont attrapé, récolté qu'un filet à papillon des fonds FEDER, et sur le coup, le projet devait devenir beaucoup plus important pour justifier ces millions. Alors il était question de 35 millions, maintenant on entend déjà parler de 50, donc on ne sait même pas exactement, et d'ailleurs je m'en fiche, à quel montant s'élèvent ces travaux, mais quelque part, il faut les justifier. Donc ce qui était un projet de rénovation et d'installation pour un quartier à titre local devient un énorme machin dont les habitants du quartier n'ont nullement besoin et qui a davantage une vocation régionale que locale. C'est déconnecté des gens, quoi. C'est déconnecté pour finir. Ça devient plutôt un projet un peu, comme tu disais un peu du début, là. Comment ? Pharaonique. Un peu branché aussi pour les gens, c'est ça aussi un peu. Tu dis ? Branchouille. Branchouille. C'est exactement ça. Et une question intéressante qu'on aurait pu poser aux habitants et qui n'a jamais été posée, c'est les nouveaux bâtiments qui vont venir là-dedans. Est-ce que vous préférez qu'ils s'intègrent à l'existant ou est-ce que vous préférez une architecture résolument moderne avec une belle signature en dessous ? Ils ont choisi ça. Ah ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire une architecture en morceaux de sucre à l'intérieur de. C'est très moche, hein. Allez, non, mais c'est même pas subjectif, quoi. Ça ressemble à rien. C'est incroyable. C'est comme des constructions. Comment on pourrait les décrire ? En sucre, c'est ça que tu dis ? Un morceau de sucre. Des Lego bruns. Donc tu vois là en face, ils gardent le bâtiment de droite, et encore, pas complètement. Ils abattent totalement celui de gauche. Tu vois bien qu'il est en très mauvais état, non ? Redis ce que tu viens de dire. Tu ne trouves pas que ce bâtiment est en très mauvais état ? Non, je trouve pas. Eh ben, nous non plus. Ben voilà, il est quand même abattu, parce que tu vois, c'est mieux ça. Ouais. Tu comprends ? Mais d'accord, Mais est-ce que vous comprenez pourquoi ils font pour ça, ça enfin, pourquoi parce ils font ça en fait? Pourquoi ils rajoutent ça alors qu'il y a de spectacle? Oui, mais ils pourraient le faire là-dedans. Non, parce que c'est beaucoup trop petit. Elle va aller depuis donc dans l'axe de la porte ici, l'axe de ce côté-ci. Tu coupes en ligne droite vers l'arbre, tu vas quasi jusqu'au boulevard, tu reviens à travers la prairie et tu reviens ici. Ils ont besoin de 1200 m2 au sol. C'est énorme ça. Et 3600 m2 total. Voilà. Ils ont besoin. Mais oui, on en a besoin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, ça ne nous va pas. Est-ce que les gens du coin en ont besoin? C'est ça la question. Enfin, ce qui me choque, c'est qu'effectivement, il est complètement déconnecté des réalités du quartier. Moi aussi, quand j'ai entendu que l'abbaye... bon, je n'habite pas directement ce quartier, mais quand j'ai entendu que l'abbaye allait être rénovée, réaménagée, qu'il allait y avoir effectivement une bibliothèque, une maison des associations, si je ne me trompe pas, différents équipements, etc. Ça, oui, 100% oui. Mais par contre, quand j'ai entendu parler d'une salle de spectacle, je suis la première à aller à des spectacles, au théâtre, etc., me réjouir. Quand il y en avait, quand il y en avait. Hein, parce que... Oui, quand il y en avait, exactement. Mais ce qui me choque aussi, c'est que par rapport... Donc c'est complètement disproportionné. On a peut-être effectivement besoin d'une salle de spectacle plus petite que Forêt Nationale, mais il y a d'autres endroits pour faire ça, pas sur un site patrimonial, pas dans un parc, pas dans l'espace vert, le seul espace vert qu'a ce quartier. En plus, on vit encore une situation difficile avec un confinement depuis un an. Les gens restent de plus en plus chez eux, il y a le télétravail, etc. Donc pourquoi supprimer à ces gens qui n'ont pas de jardin, qui vivent dans des petits logements, des logements parfois vétustes, ou en tout cas pas top, sans accès à l'extérieur, sans balcon, etc., dans une zone très urbaine où il y a beaucoup de voitures, pourquoi est-ce qu'on touche à leur seul espace vert? Et pourquoi, à votre avis? Parce que le Brass veut mettre sa nouvelle salle de spectacle dans l'abbaye. Alors, je te laisse le soin d'aller vérifier qui est responsable du Brass. Voilà, je n'irai pas jusqu'à dire les noms maintenant, mais ça me scandalise. Et ceci, c'est le même bâtiment quand tu es de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Alors, en plus, permets-moi de dire, ils ne sont pas très honnêtes, parce que tous ces arbres-là sont destinés à être abattus. Donc, la réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est ça, sans les arbres. Parce qu'on va nous replanter 500 arbres, paraît-il. Bien, donc tu imagines, ici, là-bas, il n'y a rien. Toute la longueur ici, il n'y a rien. Tu vois les masques d'Hilaria là-bas sur les géants qui sont là. Il y en a d'autres derrière. Donc, tout ça doit disparaître. Oui, mais on va vous en remettre 500. C'est très gentil. Les textes, noir sur blanc, indiquent qu'ils mettront 20 ans à repousser pour les plus rapides. Pour les plus rapides. Ça veut dire que pendant 20 ans ici, les habitants vont se prendre le désert. Un chantier pendant 10 ans et au total 20 ans de désert en matière d'arbres et de respiration. Un arbre assure l'oxygène de 200 à 300 personnes tous les jours. Un arbre, comme celui qui est là, ou comme celui qui est là. Voilà, donc ça veut dire qu'on est vraiment en train de rendre ce quartier exsangue, tout ça pour nous caler d'une part une salle de spectacle, et d'autre part, mais si tu veux bien, on va bouger, on va aller vers l'intérieur de l'abbaye. Moi, je vous suis. Hein. Ouais, d'accord. Attends, on va. Ouais, il faut l'aider là parce que moi, avec mes mains, je peux pas. Voilà. Mais c'est toi qui a fait tout ça. De ça, c'est rien du tout ce qui se trouve là. Si tu voyais chez moi. Oui, avec le temps, je suis devenue une enragée de la défense de l'environnement qui est le mien, mais qui est surtout celui d'un grand nombre de personnes ici autour. Dans un quartier qui est pauvre et qu'on peut donc prendre par-dessus la jambe, parce que les gens, d'une part, sont... Ils ont autre chose à faire, quoi. D'abord, ils sont aussi dans l'extrême urgence tous les jours. En plus, il y a un certain clientélisme. Et en plus, il y a des personnes qui ont doucement intérêt à ce que les choses puissent se passer de la façon prévue. Par exemple, dans mon quartier, il y a des gens qui sont dans des associations et qui n'ouvrent pas la bouche, ils ne mobiliseront pas les personnes autour d'eux, quel que soit le prix à payer, simplement parce que leur assos va avoir un local ici. Et voilà, sur le coup, ils ne disent rien. Et donc, le bien commun passe après le bien particulier, ce qui est tout à fait épuisant à se dire. Alors, regarde si elle n'est pas très jolie, notre abbaye. Mais oui, mais même ici, on s'est en rond comme bon. C'est... D'où les magnifique. Publics, ouais. Ça, c'est ce qui s'est passé en 1970. Une série de bâtiments ici ont été rénovés et ils ne sont pas arrivés au bout du projet parce qu'ils n'avaient pas assez de sous. Oh, oh, oh. Donc tout ça n'a pas été fait. Ouais. Alors on nous dit cette abbaye est dans un état lamentable. C'est vrai, d'une part parce que les travaux n'ont pas été terminés l'autre fois, et d'autre part parce que les bâtiments ne sont pas entretenus. On ne compte pas les carreaux cassés, les bancs démolis. Lamentable, lamentable, ça va, hein. Il y a pire quand même. Alors, ceci est employé pour l'instant, donc c'est en bon état. Mais regarde là-bas de près, regarde le nombre de fenêtres qui sont fermées par des planches grises. Oui, mais il y a moyen. C'est pas non plus des. Il y aurait moyen de. Ce que je veux dire, c'est pas entretenu. C'est pas entretenu. Et sur le goût. Peut-être exprès aussi. Hein. On se base. Ben, on connaît cette technique. Elle est pratiquée ailleurs. Sur le coup, on se base là-dessus pour dire ah non, ça va pas du tout. Maintenant, il faut tout refaire. Il faut savoir qu'au 18e, De Wey avait le projet de mettre un bâtiment là-bas. Qui De Wey ? De Wey, c'est l'architecte qui est responsable de la dernière mise en scène de cette abbaye, donc autour de 1760-70. Et il n'est jamais arrivé au bout de son projet, donc le bâtiment qui devait venir là au fond n'est jamais venu. Donc maintenant, je veux dire, c'est arrivé avec De Wey, on n'est pas arrivé au bout des travaux. C'est arrivé avec les frères Mignot, on n'est pas arrivé au bout des travaux. Et donc maintenant, on voudrait nous remettre un bâtiment là au fond, que je vais te montrer en photo, et qui de nouveau clôture l'espace pour faire comme si De Wey était arrivé au bout de son projet alors que c'est même pas le cas. Et tout ça au prix des arbres, parce que de nouveau, tu vois, tout ce qui est là, en gros, les deux tiers vont disparaître, y compris des arbres magnifiques. Alors, regarde le projet. Mais c'est comme si, en fait, ouais, tout ce qui devient public devient privé, comme ça, on mélange les deux. Il y a plus artistique entre le public et le privé. Il y a probablement des intérêts. Pour faire un business, quoi, pour faire du business aussi. Bah, oui, on peut pas accuser. Moi, je ne suis pas assez dans le secret des dieux pour. Non, mais je veux dire que ce soit ici ou ailleurs, oui, sûr, si vous renseignez un peu. Il y a des intérêts privés qui empiètent sur le bien public. Là, c'est clair ici. Voilà, donc le fameux là-bas au fond. Voilà, c'est le bâtiment qui doit venir là-bas derrière. Ils ne peuvent pas mettre un bâtiment parce qu'on est à l'intérieur de l'abbaye. Donc, ils mettent une structure ouverte de 70 mètres de large, 14 mètres de haut et je ne sais pas combien de profondeur. Mais comme elle est entièrement ouverte, on peut la considérer, alors j'espère que tu tiens bien ton micro, comme un équipement de jardin. Voilà, un équipement de jardin, tu te rends compte, 70 mètres de large et 14 de haut. Mais bon. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que tout ceci n'existe pas. Tous les arbres qu'on voit là sur le dessin n'existent pas. La vérité, c'est ça. Ouais. Voilà. Et nous ne voulons pas. C'est notre seul point environnementalement valable dans tout ce quartier. C'est fréquenté tout le temps par des gens qui viennent pour le calme. Et là-dedans, un petit bar bobo branché. C'est pas une bonne idée, ça. Voilà, comme ça, on va revitaliser, tu comprends? Oui, surtout, c'est chaque fois la même chose, c'est faire du business, quoi. Je pense qu'ils veulent faire venir une nouvelle population ici, c'est clair, et en chasser la population existante. Voilà. Et donc cette population existante qui est plutôt la chasser, elle l'a chassée, mais comment la chasser? Les gens, ils n'ont pas les moyens de partir. Comment ils vont rester là? Enfin, voyez. C'est pas très difficile d'expulser quand même. Oui, expulser. Il y a déjà des maisons qui vont être détruites. Les deux maisons là-bas. Les locataires attendent leur avis d'expulsion. Ah ouais. C'est encore une fois quelque chose contre quoi on est en train de lutter, c'est pas normal. La commune, puisque ce sont des logements communaux, a le devoir de les reloger avant de les expulser. Et là, pour l'instant, les courriers restent lettres mortes, la commune ne répond pas. Oui ou non, seront-ils relogés avant d'être expulsés? Parce que les fiches, leur donner maintenant leur nom, ça veut dire que dans 6 mois, ils sont sur le trottoir. J'étais chez eux, c'est des familles, il y a des enfants. C'est dans un état épouvantable et tant mieux pour eux s'ils trouvent un logement ailleurs. On le leur souhaite de tout notre cœur. Mais c'est pas dit. Et alors? Mais c'est pas dit? Mais non, c'est pas dit. Mais enfin, quoi. La commune va tout faire pour les reloger. Le problème, c'est qu'ils ont déjà été au service de logement de la commune. On leur a dit qu'il n'y avait rien de disponible et que ce n'était pas possible. Voilà, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Mais comment c'est possible, ça, tu vois? J'hallucine d'entendre des histoires. C'est possible que dans cette abbaye, là-bas au fond, le parc de l'abbaye soit squatté par les bagnoles d'Audi. Comment c'est possible qu'à l'entrée, là où on est arrivé au début, comment c'est possible qu'il y ait un parking là alors que c'est un parc? Tu connais dans beaucoup d'endroits de Bruxelles ce genre de situation? Les communes laissent les bagnoles envahir les parcs? Comment c'est possible? Je sais pas. Je ne sais pas. Ça va, Françoise? Tu comprends? Ouais. Non, mais t'as... Mais quoi, tu crois qu'il y a moyen de gagner quelque chose dans toute cette histoire? Il y a déjà d'autres sujets sur lesquels on est arrivé à faire améliorer la situation par la commune à force de faire pression. Donc je ne désespère pas qu'on y arrive encore une fois. Je ne désespère pas. Je pense que ce n'est pas des crétins, ce n'est pas des manches, ce n'est pas des mauvaises gens. Ce n'est pas possible qu'ils ne nous entendent pas. Voilà. Oui, mais ce n'est pas une question de ce que tu viens de dire. Là. Ce n'est pas des crétins, ce n'est pas des manches. Non, c'est clair. Oui, mais eux, ils ont leur vision du monde et toi et ta bande, vous avez une autre vision, tu vois ce que je veux dire? Je comprends très bien, mais nous habitons ici, nous serons encore là, nous, pas moi, dans 30 ans. C'est assez dommage qu'on n'ait pas les jeunes avec nous aujourd'hui, mais ils bossent ou ils essayent. Mais les jeunes seront encore là dans 30 ans, c'est leur quartier. Tandis que tous nos technocrates en chambre, là, ils n'habitent pas ici hein, et ils n'habiteront pas ici dans 30 ans. Voilà. Sauf peut-être si ça devient un quartier bobo, là, peut-être. On a peut-être une chance qu'ils viennent habiter ici. Non, mais c'est à hurler, c'est à hurler. Il y a eu un article récent dans un journal que j'ai dévoré sur la gentrification de ce quartier-ci précisément, qui est en cours maintenant depuis une douzaine d'années. Mais c'est fondamentalement injuste parce qu'on chasse les populations de chez elles. Alors évidemment que le propriétaire est tout content que lui donne beaucoup pour sa maison, donc il se barre et il met à la porte ses locataires, mais ses locataires vont où à force d'être refoulés sans arrêt de Bruxelles? Parce que ce n'est pas qu'ici. On l'a vu à Dansa, on l'a vu sur les docks à Anderlecht, on l'a vu à Saint-Gilles. Et c'est en train de se passer ici. Et ça, c'est révoltant. Le quartier ici vit bien. Et vit bien sans sa salle de spectacle, sans pognon, mais on s'entend, on se connaît, c'est très multiculturel, c'est un chouette quartier. Oui. Et sur les articles des promoteurs immobiliers, on lit que c'est un quartier pittoresque. Ça veut dire quoi, ça? C'est pittoresque, tu comprends? Mais oui, c'est un processus qui se met en place dans Bruxelles, oui, en fait. Je vais citer un autre exemple, au-delà du projet de l'abbaye. Personnellement, j'habite à côté du Wills. Et à côté du Wills, il y a un marais accidentel, on va dire. Qu'un groupe de personnes s'efforce de protéger aussi. Donc c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé à suivre aussi ce qui se passait à l'abbaye. Mais c'est le même principe. Il y avait un projet, donc c'est un terrain privé sur lequel on a voulu construire des immeubles. Et ça provoque, il y a une quinzaine d'années, je crois maintenant, je ne me souviens plus de la date. Et en creusant pour cette construction, ils ont percé la nappe phréatique. L'eau est montée et depuis une quinzaine d'années, s'est installé un marécage. Alors c'est plus un étang plutôt qu'un marais. On l'appelle le marais Wills, mais c'est plutôt un étang. Avec des roseaux, avec des oiseaux, avec des poissons, des insectes, des libellules. Enfin, tout un écosystème qui s'est constitué. Le propriétaire du terrain a relancé il y a quelques années son projet de construction. Donc on a réussi à bloquer à deux reprises, qui a été refusé. Ils veulent sur ce terrain construire, alors à l'origine je crois que c'était 80 logements. Alors déjà ça va coûter cher parce qu'il faut pomper l'eau hein, maintenant, c'est une sacrée flaque. Ouais, pour construire quoi, voilà. Il faut enlever l'eau. Pour construire des immeubles, un immeuble mixte avec des logements de qualité, etc. Gentrification encore, hein. Et avec des équipements culturels, professionnels, etc. Ce terrain a finalement été racheté par la région. Alors tout le monde s'est dit, ouais, chouette, la région a racheté le terrain. Sauf que le projet de... Maintenant, le projet, il reste toujours un projet de construction immobilière de 70 logements qui va amputer le marais, on va dire, d'un bon tiers, je crois, un peu plus d'un tiers de sa superficie. Donc c'est le même problème qu'ici. On n'a pas consulté. Ce petit espace est devenu un espace vert informel. Pas officiel. Beaucoup de gens vont s'y promener tous les jours. Et au lieu de le valoriser, justement, parce que c'est un terrain qui est coincé aussi dans une autre rue qui est un petit peu négligée au niveau communal, l'avenue Wilmans-Coppens, qui est une rue commerçante, quartier populaire aussi, pas très loin, le long de la voie ferrée qui va vers la gare du Midi. Donc c'est aussi un environnement très urbain, très bruyant. Et on a ce petit îlot vert qui permet aux gens de respirer. Donc c'est le même problème qu'ici. C'est exactement le même problème. Mais si on arrivait un peu à ce... Comment dire? Parce qu'il y a 40 minutes, ça va vite le temps. Hein. Ouais. on a encore, pour arriver à 60, un peu moins de 60 quand même. Hein. Vous voyez, le temps, il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais. Si on arrivait à prendre un peu de hauteur, parce qu'on comprend bien qu'il y a des endroits comme ça, en tout cas ici à l'abbaye, qu'est-ce que vous auriez envie de dire spécifiquement sur cet espace-ci? Parce qu'on comprend bien qu'il y a des endroits comme ça dans Bruxelles, la gentrification, donc c'est toute une politique qui est mise en place pour virer les gens, pour oui, il y a des espaces verts libres comme ça, ben on veut investir, hein, parce que c'est ça aussi, il y a de l'argent en jeu, on vise, c'est ça que le politique vise. Voilà, ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a à dire ici spécifiquement à l'abbaye, quoi ? Moi, personnellement, sans connaître, c'est que c'est des bâtiments, comment on dit ça, avec une histoire, avec une architecture, hein, comme vous expliquez la nouvelle construction, c'est du sucre, c'est bien dit ça. C'est vraiment. C'est un jeu de cubes, enfin, c'est un peu des Lego. Enfin, moi j'appelle ça. Moderne, quoi. Voilà, ouais, c'est très moderne. Bah, moi, ce que je dirais surtout, c'est que ce projet de l'abbaye ne peut pas se faire, pour moi, sans tenir compte des personnes qui vivent autour, de la réalité des personnes qui vivent autour, et qui, je suis sûre, sont 100% d'accord avec le fait de rénover l'abbaye, bien sûr, évidemment, l'aménager, en faire quelque chose. Il y a des espaces qui sont inutilisés, donc oui, réaménageons, embellissons, mais en tenant compte des besoins réels du quartier. Les besoins du réel du quartier, c'est de garder un poumon vert et d'avoir, effectivement, bah, peut-être, oui, pourquoi pas, l'Oreca, pourquoi pas, un ou deux petits restos sympas, pourquoi pas. Il y a déjà une buvette, là, qui a l'air sympa. Il y a déjà une buvette, effectivement. Donc, pourquoi pas, ça, au contraire, pourquoi pas. Du qualitatif, mais du qualitatif qui correspond à la réalité du quartier et qui ne va pas non plus mettre dans la merde toute une série de personnes qui vont probablement perdre leur logement. On a besoin de quartier. Tu as un potager qui se trouve là-bas, un potager de permaculture. Il y a plus de 10 ans que ces personnes travaillent en permaculture sans mettre aucune crasse dans la terre. Oh, bon, on va les déménager, hein. Pourquoi ? Il n'y a pas de problème quand même. On va les déménager à côté du grand sapin qui se trouve là juste en face. Ce qui démontre quand même quelques méconnaissances en matière de culture et de potager, parce qu'un sapin, c'est un acidifiant de première bourre. C'est un exemple. Un autre exemple, juste derrière, il y a une plaine de jeux qui est overbourrée. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est impressionnant. Et même quand il n'y en a pas d'ailleurs, eh bien, elle va disparaître. Oui, mais on va faire un très bel espace de jeu entre nous autour du monument aux morts. Bon, après tout, pourquoi pas hein. Je pense qu'on appelle ça de l'intergénérationnel entre les enfants vivants et ceux qui sont morts pendant les guerres précédentes, on va dire ça. Mais la plaine de jeux à venir, c'est un espace ouvert. Mais les mamans ne demandent pas un espace ouvert. Les mamans demandent de pouvoir s'asseoir sur un banc avec les petits qui jouent dans le sable et qu'elles aient la paix une demi-heure. Voilà, je dis, on ignore les besoins du quartier pour nous plaquer un truc qui sera peut-être très joli, mais qui n'est pas du tout conforme à ce qu'on attend ici. Et donc, comme elle a dit, nous, on veut juste un projet à taille humaine qui ne nous prive pas d'un essentiel. J'ai parlé de poumons tantôt, c'est vraiment ça pour nous, qui ne nous prive pas à long terme d'un essentiel et qui, en effet, ramène un peu de vie dans l'abbaye. Mais on n'a pas parlé d'une vie des marchands du temple, hein. On n'a pas parlé de la musique boum boum et compagnie, parce que leur bâtiment du fond, là, il va se prêter admirablement, en effet, à des concerts en été, là, en plus de la salle de spectacle. Donc voilà, non, il y a de la démesure dans tout ça. Et si on prenait un petit peu de la hauteur, du coup ? Parce que quand on parle de démesure, ça fait penser, il y a eu le virus. Il y a une espèce de conscience qu'il faut faire autrement, non ? Et là, j'ai l'impression que dès que le déconfinement, le premier a eu lieu, allez, vite en avant, il faut vite remettre la machine en route, il faut vite faire des affaires, il faut... Non, vous n'avez pas ce sentiment-là, vous ? Je dirais que pour l'instant, le monde d'après ressemble au monde d'avant, tout simplement. On n'apprend pas, les politiques n'apprennent pas de leurs erreurs, je dirais tout simplement. Oui, ou ils n'ont pas envie de trop se poser de questions, quoi. Non, c'est... Je suis pas d'accord. J'ai là dans ma grande phare des textes d'Alain Marron ou de Pascal Smets qui disent qu'il faut remettre des arbres partout, il faut arrêter de démolir inutilement des bâtiments, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a toute une série de bâtiments ici qui vont être démolis, comme celui que je t'ai montré là-bas tout à l'heure, il y en a d'autres. Donc, il faut arrêter de démolir les bâtiments, il faut remettre de la verdure, il faut ménager l'environnement proche des gens. Donc, je veux dire... Tu veux dire que le politique, c'est ça que tu, quand tu dis Alain Marron... Les politiques, ils sont, je pense, conscients des enjeux de long terme. Mais alors, pourquoi ils ne sont pas là ? Eh ben merci, voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je veux dire, alors, c'est... Non, mais prenons un peu de hauteur pour comprendre un peu c'est quoi cette dynamique, parce que... Pourquoi il n'y a pas vraiment un combat à mener? Il est là, on est sur le terrain. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ils ne sont pas là avec nous maintenant tout de suite? On les a vus hein, les uns après les autres. On a fait le tour de toutes les chapelles. Donc en gros, on a eu, c'est pas moi, c'est l'autre, comme réponse. Oui, c'est toujours là. Hein, et d'autre part, on a eu, ah mais je trouve ce projet tout à fait magnifique. Voilà. Le nouveau projet. Oui, le nouveau projet, avec ses splendides bâtiments modernes, etc. Donc voilà, ça c'était Pascal Smets pour ne rien cacher. Mais en même temps, il écrit noir sur blanc qu'il faut arrêter de démolir des bâtiments anciens. Bah aussi, alors c'est quoi cette schizophrénie là? Ah ben ça c'est fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ce que j'allais dire. Excuse-moi, je suis désolée, mais c'est ça qui fait que les citoyens n'ont plus confiance. Très clairement, nous ne pouvons pas avoir confiance dans des gens qui bavardent, qui disent un truc et puis qui font l'inverse sur le terrain. Oui, qui font semblant ou pour avoir des subsides, ils utilisent tel dossier avec tel mot. Et c'est ça aussi. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? C'est exaspérant pour les habitants d'avoir ce sentiment perpétuel de se faire rouler dans la farine par des gens qui disent une chose et en font une autre. C'est exaspérant. Vous êtes d'accord que ce n'est pas simplement pour cette... C'est pas depuis aujourd'hui que ça arrive, ça, que le politique s'en fout un peu des gens, s'en fout des fois même beaucoup. Enfin, je veux dire, vous prenez conscience de ça aujourd'hui pour ce projet particulier ou bien... Ah, de tous les combats dans ce quartier depuis 40 ans. Voilà. Et c'est aussi ça qui fait d'ailleurs que je ne suis pas pessimiste. C'est parce que régulièrement, on est arrivé à obtenir gain de cause. Et j'espère quand même que cette fois-ci, on arrivera quand même encore une fois à être entendu. On nous dit parfois, mais vous voulez faire capoter le projet? Mais non, on ne veut pas faire capoter le projet. On veut juste un projet adapté au quartier où il se trouve. C'est tout. Ouais, c'est tellement évident. C'est si simple. Il est disproportionné, c'est simplement ça. Ça, on l'a compris. Hein. Ouais. Même moi qui ne connais pas tout le dossier... Enfin, ça me semble... Et en plus, c'est toujours le même principe quoi, qu'on met en place. Voilà. La langue de bois, effectivement, enfin, on va appeler ça comme ça, c'est pas nouveau. C'est un aspect presque éternel du monde politique. Le monde politique cherche à plaire et donc dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je suis même pas sûre qu'ils cherchent à plaire. Hein. Moi, je crois qu'ils cherchent à... Oui, mais en tout cas, là, ça semble évident qu'il faut faire marcher l'économie, quoi. Vous voyez, c'est la planche à billets, il faut la faire en avant, quoi. Voilà, ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre, et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, effectivement, en fonction de leur intérêt économique ou autre. Donc, c'est ça qui ne va pas. Bon, on changera peut-être pas le monde. C'est difficile de... C'est peut-être on va changer le monde, comment comment tu t'appelles? Florence. Florence, enfin. Oui, mais bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas révolutionner du jour au lendemain le monde de la politique, mais par contre, leur manière de faire de la politique. Mais par contre, modestement, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire bouger les choses et d'empêcher que le massacre d'un quartier se fasse. C'est simplement ça. On verra, hein, on verra. Ouais, ils font... Il y a une voiture dans le parc qui rôde, qui tourne, qui surveille. Eh ben, on va conclure sur tout ça. Il faut y croire. Debout les braves, il faut y croire. Tant que les pelleteuses ne sont pas en train d'arracher les arbres et de démolir les bâtiments, il faut y croire. Jusqu'à la dernière seconde. Ouais, il faut y croire, mais surtout se mettre en action peut-être aussi. Évidemment, quand on y croit, on y va. Parce que tu vois, croire, ça fait comme si on va prier pour que ça ne se passe pas. Et au fond, il y a des choses concrètes. Souvent, les gens disent, de toute façon, ça ne sert à rien. Ben, on ne peut pas le savoir avant d'avoir agi. Donc, il reste à agir jusqu'à la dernière seconde, par tous les moyens, et on verra bien. On espère. Ouais, vous êtes prêts à aller jusqu'où, comme ça? Il est possible qu'on aille en recours au Conseil d'État. Il faudra juste pour ça réunir pas mal d'argent et dans un quartier comme celui-ci, ça va de nouveau être fort compliqué. Mais bon, il faut y croire et on ira. On ira. En tout cas, merci. Que dire d'autre ? Non, mais je crois que tout a été dit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Mais quoi, l'idée aussi, c'est de se dire, tiens, si les gens entendent l'émission, il n'y a pas un site, une référence où on peut vous soutenir, où on peut... Je vais te faire parvenir les références des différents sites, de l'adresse mail des amis de l'abbaye, etc. Je ne te ferai pas venir tout ça de façon à ce que tu lisais sous la main. La page Facebook, les amis de l'abbaye. Ah oui, il y a aussi une page Facebook. Voilà. D'accord. Ben merci à vous deux alors. Il y a un blog du comité de quartier. Tu dis ? Il y a un blog du comité de quartier. Il y a le blog de. Non, le Facebook du Cercle d'histoire de Forêt. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du patrimoine historique, mais c'est de nouveau une désolation. Il y a là derrière le mur là-bas. Mm-hmm. Tu as en fait tous les déchets. Les vestiges historiques qui ont été balayés lors du chantier précédent, ils se trouvent là-bas dans une espèce de butte comme ça. Voilà, on n'en fait rien. Ça reste là, on enterre. C'est tellement vrai, on enterre. Ouais, et puis, enfin moi, je ne suis pas très patrimoine, mais en même temps, c'est très bête de dire ça. Hein. Je ne suis pas très patrimoine. Non, mais je veux dire, le patrimoine, c'est aussi une histoire. Quoi. Et c'est comme si on allait vers un monde sans mémoire, sans histoire, sans un truc comme un cube, quoi, les constructions de sucre. Hein ? Très hygiénique. Oui, parce que si on doit parler d'histoire, alors là, on a pour 10 heures. Bon. Et je te signale que c'était une abbaye de femmes ici, pas une abbaye d'hommes. Oui, oui, oui, tout à fait. Salut, salut. Bah, merci à vous alors. Salut, salut.